Je ne suis que l'ombre de ton étoile. Je souris aux aurores boréales pour qu'elles prennent leur temps pour gagner un instant. Caresser l'étincelle que tu irradies doucement. J'assombris les constellations d'un voile, galaxie chassée de cette immense toile. Plus de sphères qui n'altèrent ta voix jusqu'au firmament. Écrin crépusculaire pour le plus joli des diamants. Chaleur immatérielle, tu es en moi. Mon ami le jour me trahit devant toi, il me montre du doigt. Et malgré son discours, tu ne me vois pas. Ce sentiment me tiraille jusqu'au plus profond de mes entrailles. Crier au secours dès qu'une ombre a besoin d'amour, laisser rêver l'épouvantail. Oh. Pas la prétention de t'éblouir, non, dans ma direction. Je ne veux pas venir. Ta révolution me pousse à lire que tu es une étoile qui ne voudrait que fuir. Pas d'autre solution que de m'obscurcir. Pas droit au rayon de ton avenir, non. Maudite attraction fait atterrir, car à la belle étoile, je ne pourrai jamais dormir.